grande Kurangai. Oso komi tuna, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque toutes les portes seront fermées? Eh bien laisse-moi te dire que lorsque toutes les portes seront fermées, il restera un mur. Et c'est ce mur-là que Dieu est capable de transformer en porte. Oyo leka, o leka ko, yes. Nkolo Yesu nangai, ozali nzambe ya malonga. Mbuya na yo, ya kokakola te o. Ayaya, otema nange se pela se na yo. Mokonzi ya bomoi nanga, molimo nange kumbamela yo. Jesus, Jesus, mosusu akobimela nzela nini oyo alinga koli ezalise yo moko te ye moko e mokonzi abasantu mosusu akobimela nzela nini e